s'évanouissent. Alors, elles sont... LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'ai remarqué qu'une femme ne doit pas avoir de poils, c'est-à-dire qu'elle doit être toute lisse, mais c'est un peu malsain, je trouve, parce que ça fait petite fille. On subit cette pression de les arracher, donc on gaspille beaucoup d'argent au niveau des cires, du rasoir pour rentrer dans les normes, sachant qu'on ne rentrera jamais dans les normes. Enfin, je dis ça parce que je suis poilue. Je sais pas si je peux dire ça. Moi, c'est des choses très, très intimes. Je dis ça parce que je suis poilue et je crois que pendant toute mon adolescence, on me disait t'es poilue comme un garçon ou faut que tu t'épiles. Et... Alors que chez moi, dans ma culture, il n'y a aucun souci qu'une femme soit poilue. Il y a beaucoup de poils, de la moustache, enfin, c'est vraiment. Et en quoi l'épilation, ça devient un sujet? T'as cette pression occidentale déjà. Le poil, la question du poil. La question du poil. Ça devient un sujet parce qu'en fait, ça nous prend beaucoup de temps dans notre vie. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent quand même, toute cette question de l'épilation, mais aussi beaucoup de mépris, beaucoup de micro-agressions, de mal-être en fait. Pour beaucoup, on s'est dit, on va commencer à s'épiler comme il faut et correctement, et comme ça, on n'aura plus de problèmes. Et donc forcément, ça devient un sujet des années après, quand on se rend compte que ça aurait pu être autrement, et qu'on est plein en fait à l'avoir mal vécu. Philosopher avec son corps, bienvenue en phénoménologie. Épisode 1, un féminisme incarné. Élise Gruot, Marie-Laure Ciboulet. Mais grave, moi aussi, j'ai passé toute mon adolescence à enlever les poils qui poussaient. J'étais trop stressée, j'en parlais à personne, tu vois. Et puis même, ça bloque. Moi, c'est en arrêtant la pilule que j'ai eu des poils sur les seins. Ah bah ouais. Je savais pas que c'était... Moi, j'ai dit à personne, hein, tu vois, j'ai 6 poils qui repoussent tout le temps autour. Il faut que je... Et non, et alors, tu vois, c'est vraiment le... C'est trop stressant, tu vois, j'ai toujours l'impression... Moi, je me suis raconté longtemps que j'avais des hormones trop... Enfin, mal trop fortes et tout. J'ai toujours pas d'explication, tu vois, j'ai l'impression d'être... Sexiste. Tout le monde a ça. Moi aussi, j'ai des poils qui poussent au sein. Mais ça, c'est personne ne le dit. Mais parce que les images aujourd'hui, c'est comme tu retour quand même d'un truc tellement impubère. Souvent, on a l'impression d'être toute seule. Trouver nos modèles. Une telle va dire, je me sentais toute seule à avoir beaucoup de poils, enfin avoir des poils sur le ventre, par exemple, parce qu'on n'a pas d'imaginaire de ça. Et en fait, on se retrouve à 7, à être complètement différente. Et en fait, à dire, moi aussi, j'en avais. Moi aussi, je pensais que j'étais seule et anormale, et etc., etc. Parce qu'en fait, c'est des sujets, tout ce qui touche à l'intimité, au corps des femmes, c'est des sujets... soit tabou, soit considéré comme futile. Enfin, on parle beaucoup de discussions de bonnes femmes, discussions de cuisine. Enfin, effectivement, c'est pas les féministes qui ont inventé le groupe de parole. C'est une pratique ancestrale, en fait, que les femmes parlent entre elles. Mais c'est des sujets qui sont pas considérés comme sérieux ou les règles, ça dégoûte tout le monde. Alors que c'est des sujets, qui devraient être abordés. Et c'est là aussi où les choses deviennent un sujet. C'est des sujets sociétaux, en fait. Et le corps devient un sujet. Ce que vous venez d'entendre est un groupe de paroles féministes qui propose de penser l'expérience des femmes à partir de leur corps, dans leur moindre recoin. C'est cette nouvelle vague de féminisme, pour laquelle l'intime aussi est politique, qui nous a donné envie d'explorer la phénoménologie, ce courant de philosophie inventé au début du XXe siècle en Allemagne par Edmund Husserl, qui a remis le corps au cœur de la pensée et de l'existence. Alors pourquoi la phénoménologie au service du féminisme? Car dépassant enfin le dualisme classique entre corps et esprit, la phénoménologie a permis de décrire d'une façon nouvelle et de mettre de la conscience sur nos expériences vécues. Et c'est la phénoménologie, découverte par de jeunes philosophes français tels que Simone de Beauvoir, Sartre et Merleau-Ponty dans les années 30, qui inspira la philosophe pour écrire Le deuxième sexe en 1949. Cet immense et premier décryptage philosophique de l'existence des femmes. J'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le deuxième sexe. Maintenant, il joue un rôle militant, ce livre. Mais sur le moment, il n'avait pas du tout été conçu comme cela. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vague du féminisme que nous vivons, les voies sont multiples pour poursuivre les voies ouvertes et parachever ce féminisme incarné. Il me semble que le regain... d'intérêt pour Simone de Beauvoir dans les études phénoménologiques, a deux racines en fait. Une première qui est l'essor dans les pays anglo-saxons principalement, mais pas uniquement, et actuellement en France, de ce qu'on appelle la phénoménologie critique, et la phénoménologie féministe. Raphaël Erzam, philosophe. À la suite des travaux de Iris Marion Jung, Judith Butler, Sandra Lee Bartke et quelques autres. Et donc qui essaye d'interroger l'expérience vécue des femmes, et puis aussi plus largement éventuellement l'expérience vécue des hommes, des subjectivités queer, trans et autres, mais enfin initialement principalement le vécu des femmes, que ce soit en fait de façon centrée sur le vécu du corps, ou en fait l'expérience aussi vécue du regard, des pressions, etc., du cheminement dans l'espace public, donc il y a toute une variété. Puis en fait Iris Marion Jung puise en fait son inspiration principale des travaux de Simone de Beauvoir, et comme en fait elle a revendiqué l'étiquette phénoménologie, on a été amené à chercher en Simone de Beauvoir un travail phénoménologique, alors même qu'elle revendique à peine, voire jamais le terme lui-même. En fait, tout le deuxième tome du deuxième sexe achève de le montrer, parce que elle distingue deux types d'approches de la condition des femmes en 1949. Une approche, en fait, qui serait par l'extériorité, en fait, en se concentrant sur les données de l'histoire que peut fournir la psychologie, ou en fait, l'économie, la sociologie, etc., la biologie. Et une deuxième approche qui est par l'expérience vécue, qui est au fond d'essayer de comprendre comment une situation qu'il est possible de décrire objectivement avec donc des termes historiques, etc., elle est intériorisée, elle est vécue. En fait, les femmes eh bien l'assument, s'y rapportent, la combattent, résistent, en souffrent, etc. Et au fond, toute cette couche, elle est l'objet du travail phénoménologique de Simone de Beauvoir. Ensuite, il y avait quand même une deuxième source qui fait que le terme a refait surface. Une deuxième raison, c'est en fait aussi l'essor dans la pensée contemporaine de ce qu'on appelle la phénoménologie critique, et qui trouve ses racines aussi dans le travail de Frantz Fanon, que Beauvoir a également connu, avec lequel elle a discuté. Donc la phénoménologie critique, qui est le fait de questionner l'expérience vécue, mais à la croisée des études sociales, des études de genre ou des réflexions postcoloniales, et qui consiste à essayer de mobiliser le maximum en fait d'informations socio-historiques pour enrichir en fait la description des vécus. Je voudrais dire quelques mots des concepts et de la méthode qui sous-tendent mon féminisme phénoménologique ou féminisme incarné. Le postulat de départ est simple. Le corps n'est pas qu'un organisme. Il est le sujet de mes actions et le moyen de mes interactions, au point que, comme l'écrit Maurice Merleau-Ponty, mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps. Celui-ci n'est donc pas seulement quelque chose pour moi, il est ce par quoi je donne du sens au monde et le fondement de ma relation aux autres. À rebours de la dévalorisation classique de la chair et de la matière, la phénoménologie postule que toute connaissance s'enracine dans l'expérience incarnée de la vie humaine. Une expérience qui est toujours située, c'est-à-dire immergée dans un temps et une société donnée. Le corps est historique. La signification qu'il revêt pour moi et pour autrui, tout comme l'accès aux choses qu'il permet, dépendent des conditions sociales dans lesquelles il est vécu. Mais en même temps qu'il se trouve ainsi déterminé, le corps est inséparable d'une liberté foncière, soit, comme l'écrit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, ce pouvoir fondamental que j'ai d'être le sujet de toutes mes expériences, au point que c'est pour moi une destinée d'être libre. Camille Froide-Vaumétry, Le corps des femmes. Camille Froide-Vaumétry, vous êtes philosophe et vous avez écrit de nombreux livres de philosophie sur le féminisme. Et dans Un corps à soi, vous entreprenez d'écrire aussi en première personne votre expérience de femme, de votre corps, et vous réfléchissez à partir de cette expérience. Oui, écrire en première personne, c'est un tout petit peu différent de à la première personne. Ce qui fait la différence, justement, c'est non seulement de parler à la première personne du singulier, mais finalement les philosophes hommes le faisaient aussi en employant le nous, hein, première personne du singulier pluriel, mais c'est un nous de surplomb, un nous de majesté. Donc c'est dire je, bien sûr, mais encore plus que cela, c'est accepter de livrer un récit de soi, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, le récit de quelques-unes des expériences vécues de ma propre corporéité que j'ai pu faire, et de le faire non pas simplement en guise d'illustration du propos philosophique par ailleurs, mais vraiment dans une démarche heuristique qui consiste en fait à faire résonner sa propre voix avec celle d'autres femmes. Parce que mes récits singuliers n'ont de sens, ou plus exactement ne prennent sens, que dans la communication et les liens qui s'établissent avec d'autres récits singuliers d'autres femmes. Et dans le livre, il y a donc des passages qui sont de petits récits autobiographiques, mais il y a aussi beaucoup de petits récits biographiques. Et tout ça se tisse avec la réflexion proprement philosophique pour produire quelque chose qui est, oui, comme un tissu où les idées et les expériences incarnées se tiennent très étroitement ensemble. Et dans cette démarche, la phénoménologie est une référence importante. Est-ce que vous pouvez nous déplier avec nous ce que vous utilisez de la phénoménologie, cette notion du corps vécu? Comment est-ce que vous l'avez manipulée? Mon point de départ, c'est Simone de Beauvoir, et plus exactement encore, c'est la lecture par la philosophe américaine Iris Marion Young de Simone de Beauvoir. Alors pourquoi Beauvoir? Parce que c'est elle qui va introduire dans la pensée phénoménologique la question de la sexuation des corps. C'était un peu énorme, peut-être trop énorme pour être repéré, mais les pères fondateurs de la phénoménologie qui font du corps le lieu même de toute connaissance, qui rompent donc avec des siècles et des siècles de dualisme du corps d'un côté et de l'esprit de l'autre, ces pères fondateurs considère le corps dans sa dimension générique, mais c'est-à-dire, en fait, sa dimension masculine. Et à aucun moment, en tout cas pour ce qui concerne Merleau-Ponty, il ne pense le fait que les corps peuvent être sexués, féminins ou masculins. Alors il y a bien un chapitre chez Merleau-Ponty qui évoque la dimension sexuée, plus exactement sexuelle, mais il ne pense pas ce qui différencie finalement le corps vécu féminin du corps vécu masculin. Et c'est Simone de Beauvoir, qui était sa grande amie et qui a dialoguer avec lui tout au long de l'écriture du deuxième sexe, qui va réparer un petit peu ce curieux oubli en précisant que si les femmes comme les hommes sont des sujets libres et qu'elles ont donc vocation à se projeter dans le monde, il se trouve qu'elles sont immédiatement dépossédées de cette capacité d'action dans le monde parce qu'elles sont immédiatement caractérisées comme des corps enfermés dans les fonctions sexuelles et maternelles qui finalement instrumentalisent leurs conditions incarnées et les en dépossède. Dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir va dérouler l'existence des femmes à travers ce prisme de l'objectivation corporelle, et elle va montrer comment, dès la petite enfance jusque dans la vieillesse, les femmes apprennent d'abord, puis s'enracinent dans cette condition objectivée, c'est-à-dire qu'elles deviennent ce que l'on attend d'elles, à savoir des corps à disposition, et notamment à disposition des hommes. Mais il y a une dimension de son écriture qui a longtemps été, disons, un peu ignorée, c'est que ce corps carcan, ce corps objet, dont elle décortique tous les mécanismes, il est aussi pour elle le vecteur de l'émancipation. C'est-à-dire que ce qu'elle propose de faire, c'est de se ressaisir de toutes ces dimensions incarnées de nos existences pour les extirper de cette gangue patriarcale d'objectivation, mais pour ensuite se les réapproprier et les éprouver d'une façon nouvelle, notamment au prisme de la liberté. Et donc, la caractéristique principale, je crois, du féminisme phénoménologique, c'est de proposer cette pensée d'un corps qui est à la fois le lieu par excellence de la domination masculine et le vecteur privilégié de l'émancipation. On Female Body Experience de Iris Marion Young. Ma propre expérience est limitée et particulière. Elle résonne très certainement davantage parmi les femmes blanches, des classes moyennes, hétérosexuelles de notre société capitaliste tardive. Je peux prétendre parler au minimum de la seule expérience des femmes comme moi. Mais je crois qu'une part de l'expérience dont je rends compte résonne avec celle d'autres femmes. C'est à elle de le dire. Les différences entre femmes ne nous enferment pas dans des catégories exclusives. La seule façon pour nous de connaître nos similarités et nos différences, c'est que chacune d'entre nous exprime son expérience particulière. Mathilde Blézard, vous êtes journaliste et membre du collectif qui a fabriqué le livre « Notre corps nous-mêmes » dont la nouvelle édition est parue en 2020 aux éditions Hors d'atteinte. Quel était le projet de ce collectif et de ce livre ? Le projet de ce collectif, c'était donc de réactualiser un livre qui a été assez fondamental pour des milieux féministes dans les années 70, paru aux États-Unis, alors sous forme de brochure d'abord, à la fin des années 60, qui s'est diffusé à très bas coût à des centaines de milliers d'exemplaires, puis d'un livre, voilà, début des années 70, qui s'appelait Our Bodies, Ourselves. Découvrir son corps. L'idée, c'était vraiment d'acquérir des savoirs sur les corps des femmes, sur leur corps, sur ce qu'elles vivaient au moment même, parce qu'elles vivaient des avortements clandestins, ou des grossesses, des situations de postpartum qui étaient compliquées. Prévenir. Des problèmes de contraception, etc., etc. Donc, en fait, elles partaient vraiment de ce qu'elles vivaient au quotidien. Et en même temps, voilà, elles étaient dans ces mouvements universitaires, très engagées, etc. Et elles ont commencé à créer des groupes de parole comme ça qui ont perduré dans le temps. Ou pas. Et ce livre n'avait pas été réédité en France, réactualisé depuis les années 70. Prendre soin de nos corps. Et donc en 2016, je dirais, il y a à la fois une éditrice, Marie Herman, nos corps et deux autres collègues du collectif qui se sont rencontrés. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de faire un collectif d'écriture d'autrices pour faire une version totalement nouvelle de ce livre. Il y a quelque chose qui serait intéressant peut-être à creuser, c'est le fait que de plus en plus, il y a ce truc de se faire épiler totalement le sexe. Quoi, groupe de parole du collectif, notre corps nous-mêmes. Ça m'interroge vachement en fait, cet imaginaire petite fille. J'ai l'impression que chez les esthéticiennes, mais il y aurait peut-être un petit sondage à faire justement dans les salons d'esthéticiennes, c'est devenu la norme de s'épiler complètement le sexe. Et moi qui vais de temps en temps à Body Minute, quand j'ai envie de me faire belle, et ben à chaque fois je vois bien qu'elle trouve ça très étrange que je ne demande que le triangle pour mon maillot, et il y a une sorte d'insistance ou même un questionnement parfois. Mais alors, vous avez jamais voulu vous épiler complètement? Et pour moi, c'est complètement un truc fou, quoi, de vouloir s'enlever tous les poils. Enfin, je le vois pas. En plus, j'ai l'impression que ça fait hyper mal. Enfin, que ça me rappellera quand j'avais 6 ans. Ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé le livre en 2016-2017, en fait, dans les années d'écriture, il y a eu plein de mouvements qui sont justement lancés sur ces questions du corps. Au début, on se demandait si on allait toute seule à porter ces sujets-là. Et en fait, très vite, il y a eu, il y a eu MeToo, bien entendu, mais il y a eu aussi les mouvements contre les violences obstétricales et gynécologiques, auxquels certaines d'entre nous participaient, mais qui ont quand même, abouti à des rapports, à beaucoup de choses. Il y a plein de thématiques qui sont sorties sur la grossophobie, sur, par exemple, les afroféministes qui vont parler des cheveux, des normes de beauté, etc. On est vraiment dans ce moment-là. Et le livre, on l'a écrit au milieu de tous ces podcasts, toutes ces initiatives en fait et luttes qui étaient en train d'émerger au même moment. Nous sommes nombreux, nombreuses à avoir été confrontés à des expériences malheureuses lors de consultations gynécologiques, qu'il s'agisse de propos jugeants ou déconsidérants, voire de discrimination ou de violence. Extrait du documentaire « Paye ou pas ton gynéco » de Nina Faure. Nous avons donc mis en place Gynanco pour mettre à disposition une liste de soignantes pratiquant des actes gynécologiques avec une approche plutôt féministe. Trouver une soignante. Et voilà sur qui je suis tombée. Consultation enregistrée en caméra cachée. Quand vous passez de l'autre côté, vous tombez le bas, vous pesez, vous montez. D'accord. Vu que vous êtes en jupette, vous pouvez le soulever. Ah hein. Vous examinerez les seins après. Ça marche ? Ouais. Il y a combien de tensions habituellement ? Je sais pas. Et ne vous excite pas des maths quand même. Bonjour. Bon, je vais écrire à Gynenco. Parce que si même sur leur site, je tombe sur ce genre de gynécologue... Il m'a dit, dites donc, je vous excite pas beaucoup, puis soupirer une tension de jeune fille. Ce qui était important, c'était cette diversité des vécus et des expériences de la vie. Les collectifs des années 70, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'était beaucoup plus homogène en termes de personnes. Enfin, c'était des femmes blanches qui avaient un certain bagage universitaire ou scolaire et qui venaient plus ou moins des mêmes milieux, disons. Alors que nous, on a diversifié ça, et c'est lié aussi au féminisme d'aujourd'hui, en fait, qui a une multitude de branche, en tout cas, de sujets féministes. Quel type de femmes vous avez interrogées ? Déjà, on a un collectif très divers nous-mêmes. C'était ça aussi la création du collectif. C'était important d'avoir différents âges. On avait entre 20 et 75 ans, à peu près. Bon, beaucoup de trentenaires, quarantenaires. Des femmes blanches, des femmes noires et arabes dans notre collectif. Et donc, à partir de là, c'était aussi d'aller voir des femmes de différentes générations, de différentes origines, qui ont grandi dans différents endroits ou qui vivent dans différents endroits, que ce soit les zones rurales, les centres-villes, périphérie des villes. Il y en a qui ont certains handicaps, d'autres non. On a à peu près un recensé qu'on avait les paroles de 400 femmes, en tout cas recueillies, après elles n'ont pas toutes été utilisées dans le livre. Et aussi des personnes qui pourraient être des personnes trans ou en transition ou non binaires, beaucoup moins, mais elles apparaissent aussi dans le livre. Je me rappelle avoir mesuré la distance entre l'entrée de mon vagin et mon nombril. Clitoris. En ayant peur que ça ne rentre pas, première fois, alors que ça n'a rien à voir. Suivi de grossesse. Je me souviens de mes premières règles. C'était du marron, presque noir, dans ma culotte. Contraception. Je n'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Souffrir. Il y avait toujours ce truc. Soit tu l'as fait trop tard et tu n'es qu'une cruche, soit tu l'as fait trop tôt et tu n'es qu'une salope. Être belle, ménopause, allaiter, sein ou pas, travail domestique, maternité, infertilité, muscles, hormones. J'ai simplement relancé le projet Bovarien qui consiste à dérouler le fil de l'existence des femmes. Camille Froidevaux-Maîtris, philosophe. Je pars de la naissance et même de la gestation, parce que voilà, je montre comment le fait d'attendre un bébé-fille produit déjà des effets en termes d'objectivation. Dérouler donc ce fil de l'existence, de l'enfance jusqu'au grand âge, en m'arrêtant à ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où, dans la vie des femmes, une transformation physique produit d'abord évidemment un ébranlement intime, existentiel, mais aussi simultanément un changement dans les représentations sociales, lequel changement peut faire signe vers des attentes et des revendications proprement politiques. C'est pour ça que je parle de nœuds, parce que ce sont ces moments où, de façon vraiment très étroite, l'intime, le social et le politique se trouvent réunis dans une expérience vécue, la corporéité. Alors, un exemple le plus évident, celui de la puberté, le moment où les seins des filles apparaissent et que leurs premières règles surviennent, c'est le moment de la sexuation de leur corps, mais il se trouve que pour elles, contrairement aux garçons, c'est aussi le moment de la première sexualisation. C'est-à-dire que les filles entrent dans leur corps sexué en se voyant signifier qu'elles sont désormais des corps disponibles sexuellement. Alors que les garçons, même s'il y a des transformations vraiment bouleversantes aussi, mais ils ont cette chance, d'une certaine façon, de pouvoir les vivre dans une relative intimité, et rien ne les désigne aux yeux du monde comme des corps disponibles. Ce sont les filles qui font cette expérience vécue, et qui, à partir de là, comme Beauvoir le disait, commencent d'apprendre à devenir ce corps-objet que l'on veut qu'elles soient. J'ai mené une enquête spécifique sur les seins des femmes qui a donné lieu à un ouvrage. Je croyais vraiment que les adolescentes que j'allais rencontrer vivaient leur sein de façon beaucoup plus sereine et libre que les générations plus âgées. Et ce dont je me suis aperçue, c'était que non seulement c'était pas le cas, mais j'ai même eu le sentiment d'une forme d'aliénation encore plus intense, qui a beaucoup à voir évidemment avec l'injonction à la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi observé que ces mêmes réseaux sociaux, notamment, pouvaient être le lieu de revendications, à une forme de libération. Et que ce que les filles vivaient, et toutes les femmes avec elles aujourd'hui, c'est une forme d'écartèlement. Et je pense que c'est le propre vraiment du moment historique où nous sommes. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui est encore assez fermement enracinée dans une infrastructure patriarcale, souterraine, mais qui est aussi engagé hein, dans un mouvement d'émancipation qui est incontestable. Et donc, chacune d'entre nous avons à vivre cet écartèlement entre toute une série de mécanismes qui perpétuent et qui renouvellent même parfois l'objectivation de nos corps, et puis toute une série aussi de revendications et aussi de nouvelles formes d'expérience qui nous permettent de vivre ce même corps sous des formes totalement inédites et complètement libérées. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero. Be a double zero. Be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Dans quelles expériences avez-vous vous-même vécu d'être un corps objectivé? Comment ça s'est déroulé pour vous, ce phénomène massif d'objectivation du corps des femmes? Alors ça s'est noué très précocement en moi avec la question du poids. J'étais une petite fille rondelette, une adolescente bien en forme et puis une jeune femme grosse. Je souffrais de boulimie et très très tôt, dès l'enfance en fait, hein, dès la cour de récréation, je me suis sentie désignée par mon corps. Puisque la façon dont on me qualifiait, c'était en me traitant de grosse ou en faisant des blagues sur mon physique. Quand je suis arrivée à la puberté, ça s'est encore accentué parce que c'est là où vraiment j'ai commencé de souffrir de ces troubles du comportement alimentaire et je me suis sentie entraînée dans une spirale qui est une spirale malheureusement fréquente pour les filles, qui est celle de la détestation de soi. J'étais moquée comme fille grosse, cela me rendait malheureuse et ce malheur me donnait envie de manger encore plus. Et j'étais littéralement, entraînée dans une sorte d'impossibilité d'éprouver mon existence incarnée de façon joyeuse et sereine. Donc je m'empêchais de faire du sport, j'ai longtemps d'ailleurs considéré que je n'étais pas sportive, je l'avais décrété d'une certaine façon, parce que aux yeux de la société, je ne souscrivais pas aux normes esthétiques désirable. Et donc, j'étais un corps à transformer. Et donc, j'ai vécu des décennies dans cet objectif de modeler mon corps pour le faire entrer dans le moule du corps socialement désirable. Non seulement, j'ai bataillé sur ces sujets, mais j'ai eu aussi la chance de rencontrer quelqu'un, un homme en l'occurrence, qui m'a accompagnée, qui m'a aidée, en fait, d'abord à mieux m'accepter et puis ensuite à essayer de trouver le chemin d'un corps qui soit aussi le lieu d'une joie et le lieu du plaisir notamment. Mais cet état de relative sérénité qu'il met aujourd'hui, il a une histoire, et une histoire qui est une histoire de souffrance. Et les femmes qui sont passées par là aussi, et celles qui souffrent de troubles du comportement alimentaire le savent bien, en fait, c'est quelque chose dont on ne se défait jamais. Déployé à une échelle quasi planétaire, la publicisation des affronts subis par les femmes a révélé ce qu'elles savent depuis toujours. Leurs corps sont à disposition, non seulement désirés, mais convoités, souvent appropriés, parfois violentés. Ils le sont depuis une éternité, ils n'ont jamais cessé de l'être, et ils le demeurent par-delà la rupture de l'émancipation féminine. La révélation est détonnante. Les avancées et les combats féministes n'ont pas fait disparaître les mécanismes ancestraux par lesquels les hommes ont prise sur le corps des femmes. Dans le domaine de la sexualité, ils ont pu continuer de se comporter selon les lois séculaires de la domination masculine. C'est bien l'existence d'une commune condition sexuelle, placée sous le signe de la vulnérabilité, entendue comme exposition bien plus que comme fragilité, qu'il nous a fallu reconnaître. Camille Froide-Vaumétry, Le corps des femmes. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady. Je crois que le système patriarcal produit pour les femmes cette acuité corporelle quotidienne qui les oblige à sans cesse penser à leur corps et surtout aux formes sous lesquelles elles donnent à voir ce corps, qui les oblige à toujours considérer que ce corps n'est jamais assez bien, qui les oblige à toujours penser qu'il est perfectible, qu'elles peuvent le modifier, le transformer pour le rendre toujours mieux qu'il n'est. Eh bien, vraiment, cette injonction à la perfectibilité, c'est le poison patriarcal par excellence, parce que c'est ce qui empêche les femmes de vivre sereinement et joyeusement leur propre corporité. Moi, je me rappelle d'une scène, là, quand vous parliez de poils, là, il y a un truc qui m'est revenu de l'adolescence, où la première fois que je suis partie en colo, j'étais âgée, hein, j'avais 15 ans, mais on était dans une colo, il y avait que des meufs, genre 40 meufs, et il y avait deux mecs. Mon grand malheur, ça a été de jouer au beach volley ce soir-là avec les copines et qu'il y ait un des deux mecs, textuellement, il a bloqué sur mon cul, comme il disait. Donc du coup, il m'a choisi moi. Moi, il me plaisait pas du tout. Mais du coup, tu vois, j'étais l'heureuse élue parmi 40 du seul mec de la colo. Autant te dire que après il y a des filles qui voulaient me taper. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Enfin, tu vois. Finalement, tu vas par de guerre lasse. J'ai fini par sortir avec lui. Et le premier truc qu'il m'a fait en brûlant une grosse pelle, c'est me coller contre lui en disant « Est-ce que tu sens que je bande ?» Ce que je considère comme une des premières agressions sexuelles. Enfin, sur le coup, je l'ai jamais pensé comme ça, mais c'est après, je me suis dit, mais en fait. Puis je pense que j'ai hyper mal vécu parce que du coup, t'es tout de suite ramené à ça. Moi, j'avais jamais eu de rapport. Enfin, bon, bref. Et je me rappelle, donc il y avait ces deux mecs qui me scrutaient tout le temps. Ils étaient chiants, quoi. Et quand je suis sortie de la piscine, une fois, j'avais deux poils qui sortaient de mon maillot de bain. Et en fait, ils ont bloqué là-dessus pendant des plombes, tu vois. Et je les ai entendus commenter ça. Et commenter le fait que, en fait, j'avais des poils à la chatte, quoi. Et qu'ils étaient longs. Et je me rappelle que j'avais pris une pince et que j'avais épilé tout ce qui pouvait sortir sur les bords. Et je crois finalement, enfin c'est la première fois que je raconte ça d'ailleurs, mais je crois que c'était peut-être un des... Enfin qu'il y a pas mal de choses qui sont ancrées de façon définitive dans des périodes comme ça, quoi. Camille Frode-Vaumétry, dans votre livre « Un corps à soi », vous partez de Simone de Beauvoir, de Iris Marion Jung, et vous observez un petit peu le parcours fait par le féminisme à propos du corps des femmes, et vous repérez des écueils, et comme une disparition aussi du corps des femmes, de la réflexion. Il n'y a jamais eu de féminisme que de féminisme incarné en réalité. Y compris dans la première vague, qui est le moment de la lutte pour les droits civils et politiques, la majeure partie des militantes pour le suffrage des femmes revendiquent le droit de vote des femmes au nom de leur capacité maternelle. Donc, dès les origines du féminisme, on pense la libération des femmes à travers le prisme de leur corps. Ce que font les féministes de la deuxième vague, c'est qu'elles repèrent précisément que ce corps sexuel et maternel, c'est ce dont on doit affranchir les femmes d'une certaine façon. Ce sont évidemment les années 70 et les combats pour les droits procréatifs, contraception et avortement, d'une part, et puis aussi un premier élan vers quelque chose qu'on a qualifié de révolution sexuelle. Donc, il se passe quelque chose de fondateur dans ces années 70, où les féministes se saisissent à la fois en théoricienne et en militante de ces sujets corporels que sont la sexualité, la maternité, l'apparence, etc. Mais ce que j'ai observé et qui m'a intriguée, c'est que assez rapidement, dès le début des années 80, ces thématiques corporelles s'évanouissent. Alors, elles sont recouvertes par d'autres combats, parce que les années 80, ce sont les années où les femmes investissent massivement le monde du travail. Maintenant qu'elles maîtrisent leur capacité procréatrice, elles en viennent donc à investir la vie sociale et professionnelle. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a de nouveaux combats qui se dessinent, tout ce qui concerne l'égalité professionnelle. Et puis, il y a aussi cette... comment dire, quelque chose de plus psychologique, à l'échelle d'une psychologie collective, qui est que il faut que les femmes deviennent des hommes comme les autres. Donc, toutes les caractéristiques et spécificités incarnées sont gommées, dissimulées, et dans le monde, les femmes se présentent comme des sujets, avec tout ce que ça comporte de l'abstraction du sujet juridique, du sujet de droit. C'est dans cette séquence des années 80, 90 et jusqu'aux années 2000 que l'on voit disparaître ou s'effacer les sujets corporels parce que finalement, ils rappellent trop l'ancienne condition aliénée et minorée qui était celle des femmes pendant tant de siècles. Ça, c'est le versant, on va dire, sociologique de cette curieuse disparition du corps des femmes dans la dynamique féministe. Il y a aussi une dimension qui a trait à l'histoire des idées féministes. J'ai pu observer que il y a trois courants de pensée qui se sont un peu entremêlés et qui ont formé une forme de synthèse intellectuelle qui a fortement nourri une forme de dévalorisation du corps féminin dans le féminisme. Alors, il y a la grande tradition française de l'universalisme égalitariste. C'est le féminisme d'Elisabeth Badinter, c'est-à-dire ce refus catégorique de distinguer les femmes et les hommes d'une quelconque façon et surtout pas par leur corps. Il y a le féminisme matérialiste lesbien des années 70 qui fait de l'hétérosexualité le socle du système patriarcal et qui appelle donc à s'extraire de cette condition hétéronormée et donc à refuser par exemple la maternité et la conjugalité obligatoire, ce qui produit une forme de déconsidération de ces modalités, on va dire, un peu ordinaires de l'existence des femmes. Et puis il y a enfin, un peu plus tard, les études de genre qui, dans le souci qu'elles ont de déconstruire les stéréotypes genrés d'une part, mais aussi de défaire la binarité implicite à ces stéréotypes, produisent, alors de façon, j'allais dire, collatérale, c'est-à-dire que c'est évidemment pas conscient d'une certaine façon, mais c'est une sorte d'effet par rebond. Elles produisent une dynamique où les droits des personnes LGBT vont devenir centraux et où les expressions plus, j'allais dire, mainstream de l'existence des femmes vont être définitivement rangées du côté de l'oppression patriarcale. L'enjeu de la séquence féministe contemporaine, c'est de faire retour à ces questions corporelles pour approfondir la dynamique d'émancipation qui avait été enclenchée dans les années 70 et pour finalement la dérouler jusqu'à son terme et notamment en allant libérer tous ces sujets génitaux qui étaient restés une sorte d'impensé des luttes féministes dans ces dernières décennies. Au début des années 2010, c'est par la question des règles qu'on entre dans cette bataille de l'intime. Et c'est pas un hasard, à mon avis. Hein. Les règles, c'est vraiment le sujet incarné tabou par excellence. C'est celui qui renvoie aussi le plus immédiatement à la dimension maternelle des femmes. Et c'est celui qui va ouvrir ensuite à l'exploration et au réinvestissement de toutes ces thématiques incarnées que sont les organes génitaux, la vie sexuelle, bien sûr, les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la maternité, la question du vieillissement, etc. Salut, alors c'est le 23e ou 24e, j'ai un doute, journal de ma chatte, et donc j'ai bien mes règles. Donc cette nuit, j'ai testé la serviette lavable. De façon inédite dans l'histoire, fleurissent partout des ressources pour dire l'intime des femmes. À 15 ans, quand je les ai eues, ma copine m'a dit « Enfin !» Mais j'étais tellement triste. J'étais très contente de ne pas les avoir eues jusque-là. Dans des livres, des podcasts, des blogs, des comptes Instagram, des sites internet, elle raconte, teste, partage, dispense des conseils pratiques sur tous les sujets. Ma mère m'a montré le tiroir de la salle de bain, comment faire le soir, changer les protections. Le principe de la cup, c'est que donc, vous l'enfoncez dans le vagin et que bah, du coup et ça allait mieux. J'ai pris 400 mg d'ibuprofène, j'en ai pas repris depuis, j'ai pas trop mal. J'étais un peu ronchon. Donc les risques de fuite, en fait, il y a deux choses, soit elle déborde, et pas trop fatiguée, j'ai pas de boutons, soit elle est mal orientée. Les serviettes, c'est pas confortable. Pas, admettons, et puis quand tu as sport, le prof ne comprend pas pourquoi tu cours comme un canard. Il y a un peu de sang qui coule à côté. Ou alors, si c'est l'été et que tu as un pantalon blanc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de savoir... J'ai peur qu'une tache apparaisse. Et où est son col de l'utérus. Et c'est là aussi où les choses deviennent un sujet, c'est... On a aussi fait des groupes de parole sur la grossesse ou l'accouchement ou le postpartum. Moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur de traiter dans le livre parce qu'au moment où on l'a sorti ou on l'a traité, ça n'existait pas comme sujet féministe, le postpartum. Et moi, en tant que féministe, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en ayant mon premier enfant et qu'en fait, ça me mettait un peu en colère que ça n'existe pas socialement comme sujet, ni chez les féministes, ni dans le reste de la société. Quand on commence à fouiller, on voit qu'il y a des dépressions en grand nombre, que c'est une période aussi où il y a énormément de risques de suicide, beaucoup plus que dans le reste de la vie des femmes, 70 fois plus élevé la première année d'un enfant que dans le reste de la vie. C'est vraiment le tabou, en fait, ce décalage entre la maternité heureuse et puis la réalité, en fait, que vivent énormément de femmes, à différents degrés. Quand on a... Pensez à ce chapitre sur, disons, grossesse, accouchement, etc. Le postpartum n'apparaissait pas vraiment dans le sommaire. Et on était finalement peu nombreuses dans l'équipe à avoir eu des enfants. Et moi, c'est un truc que j'ai vraiment dit, mais en fait, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on parle de ce sujet. C'est quand même vraiment dur ce qu'on vit. Et il y avait une autre autrice du groupe qui a dit la même chose. Et au début, les autres étaient là, oui, bon, c'est quoi c'est... Enfin voilà, ça... parce qu'elles en avaient jamais entendu parler, en fait, tout simplement. Et le fait d'aller recueillir des paroles sur ce sujet-là, en dehors de nous deux qui avions porté un peu ce sujet, ça a fait émerger aussi une prise de conscience chez nos co-autrices et donc chez d'autres personnes qui lisent le livre. Se dire, ah oui, mais on n'avait aucune idée de tout ce qui se passe. Alors, quand je parle de postpartum, ça va être déjà la suite d'un accouchement, précisément, plein de choses physiques qui se passent, comme des saignements, des douleurs, des points de suture, des galères d'allaitement, etc. Mais aussi sur le temps le plus long, c'est-à-dire une fatigue extrême, un isolement extrême aussi, parce qu'il n'y a pas de lieu dans lesquels venir avec des petits, vraiment tout petits. Des descriptions aussi du retour au travail, en laissant un bébé de 3 mois ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça fait intimement à chacune? Et c'est là, en fait, pour moi, quand je dis faire exister ces sujets-là, du postpartum ou d'autres, c'est les rendre visibles intimement, concrètement, en fait, avec des exemples et et des voix différentes, en fait, qui se répondent. Et cette parole-là, plurielle, intime, partagée, est-ce qu'elle a une valeur transformative ? Oui. Par exemple, en discutant autour du postpartum, en discutant autour d'autres choses, les femmes, en fait, elles pouvaient se rendre compte de ce qu'elles vivaient, déjà, et de valoriser ces vécus-là. En fait, on le vit vraiment, c'est pas juste qu'on est folle et toute seule dans notre tête, c'est... on vit ces choses-là au quotidien. De les valoriser, de se rendre compte aussi que, bah, on est plusieurs à partager ça. Ça permet aussi d'agir dessus, c'est-à-dire bah, agir individuellement en se disant bah, « voilà, il y a une telle, elle propose telle piste, peut-être que je peux essayer ça », ou en tout cas se sentir un peu moins culpabilisé ou des choses comme ça, mais aussi agir collectivement. Et c'est vrai, ce qu'on disait, c'est que ça a un gros potentiel de subversion, en fait, d'accélération finalement de la conscientisation politique. Et, c'est un bon outil de transformation de la société. Et ça permet de se réapproprier son corps et son vécu. Finalement, reprendre du pouvoir d'agir sur sa vie, ça permet de se revaloriser, effectivement, de reprendre de la force aussi. On s'aperçoit que les normes sociales et les diktats patriarcaux qui pèsent sur les femmes produisent pour chacune des dimensions incarnées de leur existence des effets, pour le dire très simplement, négatifs. L'exemple, je crois, le plus pertinent de ce point de vue, c'est la question de la sexualité. C'est tout à fait récemment que l'on a rendu public ce fait que le plaisir des femmes était associé d'abord et avant tout à l'organe qu'est le clitoris. Alors c'est pas la première fois qu'on met ça au jour, hein. Dès les années 70, certaines théoriciennes féministes ont travaillé et révélé ce phénomène et cette quasi-autonomie du plaisir féminin, mais simplement évidemment ça a été là aussi très vite et très puissamment recouvert. Depuis que les femmes se sont saisies de cette question sexuelle pour dénoncer les violences qu'elles subissent, d'une part, mais aussi, c'est le deuxième volet, pour réclamer justement de pouvoir vivre une sexualité enfin épanouissante parce que libre et égalitaire, eh bien, on s'aperçoit que la vie sexuelle des femmes était complètement enserrée dans un cadre normatif, renvoyant à un script sexuel hétéronormé, c'est-à-dire très clairement conçu au seul prisme de la pénétration, et que jusqu'à aujourd'hui, les femmes n'avaient pas eu la possibilité de comprendre d'abord comment fonctionnait en quelque sorte leur corps de désir et leur corps de plaisir, et puis ensuite eh bien, de se l'approprier pour l'éprouver, le vivre dans la joie et la satisfaction. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui de très mal compris, c'est-à-dire que quand on reproche aux féministes d'être dans la dénonciation, la soi-disant calomnie, quand on laisse entendre finalement que leurs combats sont simplement des salves haineuses contre les hommes, eh bien on laisse complètement de côté, et on comprend pourquoi quand on saisit ce qui motive cette position, on laisse complètement de côté le fait que il ne s'agit pas seulement pour nous de vouloir se débarrasser de ces normes et de ces violences, mais il s'agit surtout de pouvoir enfin vivre nos corps de la façon la plus libre possible et donc de pouvoir reprendre possession de toutes ces dimensions incarnées. Je jouis assez systématiquement quand on me mord au creux de l'épaule. Ça surprend la première fois et je m'interdis de le révéler. L'objectif, c'est tout simplement... Il faut que l'autre le découvre tout seul. De faire de nos corps objets, enfin, des corps sujets. L'orgasme, c'est parfois des images qui viennent en rafale. Des couleurs, des cris, des spasmes qui secouent mon corps. Il arrive que j'en pleure ou que je ne supporte plus qu'on me touche après parce que mon corps est devenu trop sensible. Une brise caresse la surface de mes lèvres, nue sous mes pieds. Le sable se fait braise, en bref, je crève de sève sous la fièvre. Et j'attends la cive qu'avec lenteur tu me prennes. Couché sur le ventre, le bruit des vagues tonte. Caché, caché de voix dévorante. Salé, salé, ce que ta bouche détrempe. Je me raconte des histoires dans lesquelles tu m'orientes. J'aime ça quand tu me fais croire qu'on n'est pas seul. Qu'un œil inconnu se rajoute à la scène. Une ombre, dis-tu, et scellée sur le seuil. S'avance à la vue des accords que l'on sème. On sème, on sème, sous un soleil ardent. On saigne, on saigne de tendresse. Et c'est bon de sentir que je cède à l'aise comme un don. mon sexe, mon texte. Bonjour Lou. Bonjour, ça va? Continue à l'aide de faire. Eh bien, bienvenue et enchantée. Merci beaucoup. Eh bien, de rien. Je vais vous présenter l'équipe de la cave. Ouais, super. Et celui donc, qui est donc la cave aux poètes, scène souterraine de musique actuelle. Que le monde Lo, vous êtes une artiste de scène, vous êtes auteur, autrice de vos chansons. Comment pour vous l'expérience du corps nourrit l'écriture de vos textes ? Alors, c'est-à-dire que moi je suis une personne queer, gender queer, et donc quand j'écris des chansons, et notamment sur ce projet qui est autour de la question de l'érotisme, j'écris à partir de moi-même. Et être une personne queer, c'est investir un corps d'une certaine façon. J'écris à partir de l'intime, mais aussi de mon corps social et politique. Et finalement, je tisse des fils comme ça. Comment est née chez vous l'envie de parler d'érotisme, de sexualité au travers de vos chansons ? Je rappe, je chante, mais je viens aussi du spectacle vivant. J'ai une pratique de l'écriture depuis très longtemps. Et je travaille beaucoup sur les questions de genre, d'identité sexuelle et de sexualité. Et j'ai beaucoup travaillé sur des projets avec une dimension de dénonciation. J'ai travaillé sur les rapports sociaux dans l'espace public la nuit, etc., etc. Et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Et j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui étaient traversées par des questions de violence sexiste, de violence sexuelle. Je suis très empreinte de toutes ces réflexions-là autour des rapports de domination. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un projet qui soit du côté de la vie, de l'empowerment, de retrouver Eros, de se reconnecter à nos corps, à la libido. On est dans une société aussi traversée en ce moment même par des mouvements de dénonciation autour de MeToo, balance ton porc, etc., etc. Une fois qu'on fait ce constat-là de tout ce qu'on traverse, comment on renoue avec nos corps? Comment on retrouve l'érotisme? Vais-je me jeter à l'eau avant de rejoindre la mer? Divulguer tout au pecto sans à l'air que j'aime quand tu t'impliques à soigner mon écosystème. Loin d'être clito-sceptique, mon héros, main souveraine. T'as chaud quand je me baigne, tu voudrais que je revienne. Teindre avec mon jus la couleur de tes veines. Tu crains la crue car dans tes creux la marée monte. Tes seins à vue ont sexy, bon sexy de la honte. Mon baby me donne. Et je me suis dit, tiens, quel meilleur moyen de le faire aussi par le travail de la langue, du rythme et du corps sur scène et de venir partager tout ce travail avec d'autres. Et donc j'avais envie d'un projet musical et scénique qui vienne faire circuler du désir tout en ayant un propos fort autour. Et par exemple, si on prend la question du consentement, plutôt que d'être dans une chanson qui va dire « il faut consentir en rappelant des chiffres, des violences », ce qui est important de le faire, il faut continuer à le faire, et c'est des choses que j'ai déjà faites. Mais je me suis dit, dans ce projet, je vais retourner, je vais inverser les choses et écrire sur comment, en reprenant par exemple le slogan « Consent is sexy », le consentement c'est sexy, comment je vais amener la question du consentement comme... un prérequis à la sexualité, mais aussi comment jouer avec le fait de dire à l'autre ce dont on a envie, ça devient quelque chose d'érotique, et comment on peut se réapproprier tout ça pour en faire quelque chose d'une sexualité positive et d'empowerment et safe, en fait. Consent is sexy. Consent is sexy. Je désire tout. Je désire toi, je désire tout de toi. C'est fou, je fonds, je flanche à genoux, tu me mets en émoi. J'écoute ton pouls qui colle dans les plis de ton jeans. J'en ai fait des bornes pour que tu caresses mon spleen. Digne ta bouche qui m'expose la situation, qui me sue sur le cadre et les conditions dans lesquelles incessamment sous peu tu prendras possession de mon sexe en érection, de mon sexe en érection. J'adore t'entendre, t'entendre me dire qu'ensemble on va fabriquer la nuit qui vient. Viens prendre son consomme de plaisir. Je veux frémir que tu trembles, qu'on ravive le feu sous tes tentes, que tu rampes sans être sans conscience de ce qu'on souhaite émettre quand on se rencontrera. Rencontre-moi quand tu voudras, on s'exprimera, toi et moi, on s'exprimera. C'est le moment où chaque geste compte, chaque signe petit ou grand que l'on se montre est un langage fertile vers la suite de nos ébats que l'on invente captif sous la lune et ses éclats. J'ai soif de nos débuts, de nos débauches tardives, de nos départs tendus, de nos démarches actives. Si je dois parler de moi, par exemple, déjà enfant, je me reconnaissais pas dans l'identité petite fille, mais je me suis jamais sentie être un petit garçon non plus. J'ai testé des choses, je me suis conformée à l'adolescence, pas mal. Et puis, voilà, tantôt j'étais dans des dynamiques d'essayer d'être dans un féminin qui me semblait être l'endroit juste, comme s'il y avait un endroit juste du féminin. Et tantôt j'ai essayé d'expérimenter des formes de masculinité qui pourraient me ressembler. Je me suis posé beaucoup de questions, ça n'a pas été facile à l'adolescence, et puis on a l'habitude de pas faire la distinction entre, alors même s'il y a de la corrélation, mais entre genre et sexualité par exemple, genre, sexe, sexualité. Donc ça a été complexe pour moi à l'adolescence de me dire, tiens, est-ce que si je suis plus masculine, ça veut dire que je suis homosexuelle? Est-ce que, voilà, tous ces stéréotypes finalement qui faisaient que c'était complexe de me situer, tiens, est-ce que si là je suis plus féminine, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte aussi dans le désir de l'autre vers moi et de mon désir à moi? Et donc c'est aussi en grandissant, en arrivant à l'université, en art du spectacle, que j'ai continué à travailler ces questions-là. Ça venait vraiment me chercher, me perturber. Quand je me suis interrogée, par exemple, sur le spectacle que j'avais créé sur les rapports sociaux dans l'espace public la nuit, j'ai eu beaucoup d'interrogations sur ma démarche, qui est plutôt masculine, et ma façon de m'habiller. Dans l'espace public la nuit, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que je vis de différent d'une amie à moi qui met une jupe, par exemple? De quel côté je suis regardée? Est-ce que mon corps se façonne pour s'adapter à l'espace dans lequel je vis? Ou est-ce que c'est toujours choisi? Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Et vraiment, à ce moment-là, c'était presque un vertige de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je ne choisis pas? Comment mon corps se modèle face à l'environnement et face à mon parcours à moi? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que j'ai toute une vie pour explorer les questions de genre. Et je me suis détendue. Et je me suis dit, bah tiens, c'est comme ça aujourd'hui, demain ce sera différent. Dans ma bouche t'es clavicule, que doucement je stimule ton cou tendre qui se tord quand je croque avidement chaque parcelle. Dans ma bouche ton lobe et tes oreilles qui rougissent de ma verve torrentielle. Dans ma bouche t'es ton tendu vers le ciel, la peau de ton ventre des soubresauts dans mon antre. Tu gémis, tu gémis, tu gémis. Je souris, je souris, je souris. Et je sois un ta cambrure. Et tu crains mon armure. Ta moiteur me déborde, me suture. Et on traque en binôme la censure. Et je m'applique à faire de chaque partie de ton corps une zone érogène, un endroit de jouissance, un sexe de plus. Zone érogène, un sexe de plus. Ensemble nous imaginons que ton épaule est devenue un con, que ton bassin est un sein à gober, que ton torse en Vénus est un mont, que ton nez est un pouce affamé, que tes hanches sont des aisselles à ravir, que ta colonne sont des collines à gravir, nos corps de nouvelles cartes à construire, on porte trop de stigmates à détruire. Je me raconte que ton nombril arbore une autre queue, dont celle fantôme ou multiple, que tu caches ou dévoiles en aveu. Il y a une chanson qui s'appelle Un sexe de plus, et je me souviens que quand je l'ai écrite, j'ai pensé au manifeste contrasexuel de Paul B. Preciado, qui est ramené à comment on peut imaginer, en tout cas moi je l'ai traduit comme ça dans la chanson que j'ai écrite, c'est comment à un moment donné d'autres zones du corps que les parties génitales peuvent devenir des endroits de sexualité, des territoires à rencontrer avec soi, et comment tu vas du coup détourner une sexualité phallocentrée ou hétéronormative en construisant d'autres imaginaires. Et tu craques mon armure, ta moiteur me déborde, me suture, et on traque en binôme là, océan de salive. Je plonge dans nos fluides mêlés, océan de salive. Je plonge dans nos fluides mêlés. Au-delà de ce qui est difficile dans la violence que renvoie la société normative, etc., je me dis, mais plein de fois, je me dis, mais j'ai de la chance d'être queer, d'avoir grandi dans des identités non hétérosexuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été obligée de créer mes représentations, de venir chercher de l'imaginaire, parce qu'il n'y avait pas de modèle. Et donc, il a fallu que j'imagine les choses et que je les découvre, et je les découvre avec d'autres qui avaient besoin d'imaginer des choses. Et alors ça devient très riche. Et je me suis dit, ah, mais c'est, je ne changerai ma vie pour rien au monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, malgré toutes les difficultés aussi que je traverse, c'est hyper bon parce que ça me donne aussi du pouvoir et de la force. Et à cet endroit-là, ça c'est quelque chose que j'aime regarder, quoi, dans les moments où j'en ai un peu ras-le-bol. Ben, je me dis, bah oui, mais en fait, je suis en train de construire exactement ce dont j'ai envie de vivre et de traverser, quoi. Créateur risque de l'existence. Ben ouais. Ouais. If love had a sound, this would be that sound. Love. Merci au collectif Notre Corps Nous-Mêmes, à Mathilde Bléza, à Nina Faure, à Camille Froide-Vaumétrie, à Lo, à Raphaël Erzam. Merci aussi à la Cave aux Poètes, à Roubaix, de nous avoir reçus pour enregistrer les chansons de Lo, artiste associé. Lecture, Nathalie Canoui, Olivier Martineau. Témoignage extrait du livre Notre corps nous-mêmes. Prise de son, Sébastien Vell, Yvan Charby, Philippe Mercher. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Anise Signoret. Archive INA, Inès Barja. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Philosopher avec son corps. Bienvenue en Phénoménologie. Épisode 1, un féminisme incarné. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match, and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry.